Le 22 décembre, le palais central de la jeunesse à Pyongyang a abrité le meeting en l'honneur des footballeuses qui ont gagné la Coupe du monde féminine de moins de 20 ans 2016 de la FIFA. Y ont participé le vice-président du comité de direction nationale des sports Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti du travail de Corée, les cadres intéressés, les entraîneurs et les sportifs, ainsi que les jeunes étudiants de la ville de Pyongyang. Après le discours de félicitations, il y a eu les discours de résolution. Ensuite, la troupe centrale de propagande artistique de la jeunesse a donné une représentation de félicitations.